voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Poème en musique, on retrouve Patrick Hamel. Chers auditeurs de Canal Académie, je voudrais, dans un esprit de valorisation du patrimoine de la littérature du XIXe siècle, rendre hommage à la langue française à travers certains poètes du XIXe siècle, à la fois à travers la voix parlée et également à travers la voix chantée. Je pense notamment à Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Gérard de Nerval et Guillaume Apollinaire qui sont des figures majeures de ce siècle. En effet, écrire la musique sur un poème et le chanter est un acte d'amour envers une œuvre, et c'est aussi la meilleure façon de la pérenniser, de la faire connaître et de participer à sa survie. On ressent par le rythme de la musique et de la voix une véritable émotion poétique. Le poème devient chanson, ça lui donne une autre portée, une autre compréhension et une autre dimension. C'est donc à la fois un voyage sonore et également un voyage à travers les mots. Je voudrais donc commencer cette aventure poétique par un tout jeune poète, et pas le moindre, Arthur Rimbaud. Voici ce qu'en disait Paul Verlaine. Ce n'était ni le diable, ni le bon Dieu, c'était Arthur Rimbaud, c'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste, un garçon pas comme tout le monde, non, certes, de qui la vie est tout en avant, dans la lumière et dans la force, belle de logique et d'unité comme son œuvre. Rimbaud est celui que Verlaine appelait « l'homme à la semelle de vent ». Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, supérieurement idiote entre les petites villes de province, écrira-t-il plus tard, et mort à Marseille le 10 novembre 1891. L'auteur d'une saison en enfer n'aura pas vécu 37 automnes. Dès son enfance, Rimbaud étonne ses maîtres par son intelligence brillante et ses dons pour l'étude, mais aussi pour son caractère fantasque et instable. Il se lie avec les gamins des rues aux grandes dames de sa mère, que Rimbaud décrivait ainsi. « Elle est aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb. » Madame Rimbaud était très sèche, un peu dure, avec beaucoup d'orgueil. Quant à son père, il a quitté le domicile conjugal très tôt. Officier de carrière, il n'apparaît à la maison qu'au hasard des permissions. Élève d'exception à la scolarité foudroyante, faisant l'admiration de ses professeurs, Rimbaud est capable à 14 ans de rédiger un poème de 60 vers envoyé au fils de Napoléon III. La guerre de 1870 le rend, lui, le fils d'un capitaine qui a conquis l'Algérie dans les armées de Bugeaud, antimilitariste. Commencent alors les premières fugues et la rédaction de fulgurants poèmes. L'élève de rhétorique, dont le professeur est Georges Isambard, entre en pleine révolte. En 1871, Verlaine reçoit la lettre d'un adolescent de Charleville, Arthur Rimbaud, âgé de 17 ans. À l'intérieur de cette lettre, plusieurs poèmes qui impressionnèrent Verlaine, qui aussitôt invita le jeune poète à venir le voir à Paris. Verlaine lui envoie de l'argent pour faire le voyage. Rimbaud part donc pour Paris avec des poèmes pleins les poches. Voici le tout début de la célèbre lettre que Verlaine fit parvenir à Rimbaud. « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Mais leur liaison tumultueuse fait scandale dans les cafés parisiens où Rimbaud, ivre comme Verlaine, insulte les écrivains mièvres et lève son verre aux victimes de la commune. Ils partent en Belgique, puis Londres. Le 10 juillet 1873, Verlaine, ivre, blesse Rimbaud au bras d'un coup de pistolet parce qu'il ne veut plus partager avec lui son errance. Verlaine est condamné à la prison. Deux mois plus tard, Rimbaud publie à compte d'auteur une saison en enfer. Il croit avec ce texte accéder à une reconnaissance. L'accueil est glacial. Alors il décide, après avoir écrit les illuminations, de ne plus écrire. À 19 ans, il renonce à la littérature. 1870 témoigne d'une grande production littéraire en même temps qu'elle donne lieu aux premières fugues vers cette ville qui attire ses rêves, Paris, où il rêve de consécration littéraire en envoyant pour publication des poèmes au poète parnassien Théodore de Banville, qui les rejette. Voici donc ses poèmes de jeunesse.

on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. En fait, Rimbaud n'a pas écrit ce poème quand il avait 17 ans, mais quand il en avait 16. Il a tout simplement voulu se vieillir pour, semble-t-il, trouver un peu plus de crédit auprès de Théodore de Banville, le maître de l'école parnassienne, à qui Rimbaud envoya quelques poèmes en espérant être publié dans le Parnasse contemporain. Troisième poème, Le Mal. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate, ouvert, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille, quand des mères, ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Le mal, le mal, le mal. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Le mal, le mal, le mal. Un dieu qui rit aux nappes damassées, des autels à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille, quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Au oh, le mal. Le mal est un poème antimilitariste et antireligieux. Le titre du poème marque déjà bien les intentions morales. Il reprend le thème de la religion malfaisante. Il faut savoir que tout jeune, Rimbaud était capable d'écrire sur les murs de Charleville « Mort à Dieu ». Ceci bien avant les fameux tags que nous connaissons. Il en a été en quelque sorte le précurseur. Cette provocation faisait partie intégrante de ce jeune poète de 17 ans parfaitement révolté par l'ordre établi. Rimbaud fut d'ailleurs très déçu par le drame de la Commune qui s'est terminé dans un bain de sang, alors qu'il avait porté tous ses espoirs dans cette révolte qui aurait pu faire changer la vie à des milliers de gens. Il faut être résolument moderne, disait Rimbaud. Pour lui, tout doit être nouveau, pas seulement la poésie, mais l'amour, la société, la science, les fleurs, le bruit. Cette obsession se fonde sur une haine systématique de tout ce qui est ancien, à laquelle d'ailleurs n'échappent pas ses propres poèmes. Le nouveau n'est jamais assez nouveau, il reste à inventer. Autre poème, Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons.

font crépiter parmi ces grises indolences. Sous leurs ongles royaux, la mort des petits poux, petits poux. La mort des petits poux. Voilà que monte en lui le vin de la paresse. Soupir d'harmonica qui pourrait délirer. L'enfant se sent selon la lenteur des caresses. Sourd et mourir sans cesse un désir de pleurer. Oh, de pleurer. Il entend l'oursil noir battant sous les silences, parfumer l'ardoise électrique et doux, font crépiter parmi ces grises indolences, sous leurs ongles royaux, la mort des petits poux, petits poux, la mort des petits poux, la mort des petits poux. Ce poème est certainement né d'une anecdote. Rimbaud avait pris l'habitude de fuguer tellement il s'ennuyait à Charleville. Il fuguait souvent à pied. Il a d'ailleurs parcouru durant sa courte vie environ 60 000 kilomètres de par le monde. Parfois, il prenait le train, mais ne pouvait se payer le billet. Le jour arriva où il se fit contrôler dans le train et, n'ayant pas de billet, fut directement incarcéré à la prison de Mons. Son professeur de rhétorique, Georges Isambard, eut ouï dire de ce fait divers. Il est donc venu sortir Rimbaud de prison moyennant caution. Une fois arrivé à Douai, l'endroit où Isambard habitait était trop petit pour héberger Rimbaud. Il lui proposa d'aller chez les sœurs Gindre. Vous imaginez la surprise quand les Gindre ont vu arriver Rimbaud avec ses cheveux en bas du dos, pas fraîchement lavés du matin. Il sortait de prison. Les sœurs Gindre, qui étaient très propres sur elles, ont reçu comme un choc. Elles ont dû certainement s'occuper en premier lieu de sa chevelure. Ceci n'a pas dû lui déplaire, car il n'avait jamais vraiment connu ces petits gestes affectueux prodigués par la maman à son enfant. Madame Rimbaud, en effet, était une femme assez austère qui ne dévoilait que très rarement ses sentiments. Cependant, Rimbaud adorait sa mère. Les poèmes que vous venez d'entendre, lus et chantés, l'ont été par Patrick Hamel et les musiques sont composées par lui-même. Vous pouvez retrouver ces différents disques autour de la poésie dans la collection Poètes et chansons chez les distributeurs habituels.